il y a 10 fois plus d'argent donné aux groupes de femmes que d'hommes. Ces sommes-là, ça sert à faire du bien, là, à défendre les femmes, à les soigner. Puis bon, même s'il y en a 10 fois plus, je reconnais qu'il y a une partie de l'argent qui sert. Il y en a d'autres qui servent à faire vivre des associations. Mais je te l'accorde. Il y a des gens qui ont des salaires. Il y a une guerre. Jamais les femmes ne vont céder ce pouvoir-là au niveau de l'argent, appelons ça caritatif là, pour les œuvres. Ils ont les deux mains dans le magot. Puis ils se tasseront jamais. Qu'on s'organise ou pas, qu'on en parle ou pas, okay, fait que tu baisses les bras ils lâcheront pas. Non, mais pour l'instant, je suis tout seul. Puis regarde, on en parle, puis même là, je trouve qu'on en parle trop. Parce Pourquoi? Que ça devient redondant, parce que je suis tout seul. Je suis tout seul à en parler, mais j'ai l'air d'un gars qui est un innocent qui prêche dans le désert. Là. Les autres médias parlent pas de ça, c'est tabou. Parce qu'au niveau médiatique et gouvernemental, c'est power femelle. Vous l'aimez pas le mot? Non, je l'aime pas. Elle dit pareil, moi. Mais moi, je pense que si c'est une cause à laquelle vous croyez, vous devez continuer de vous battre, vous devez continuer de crier, vous devez continuer de gueuler, parce que c'est ce que les femmes ont fait, puis ont réussi à obtenir des avancées majeures. C'est pas parfait, mais il y a eu des grandes avancées, puis t'as raison, souvent, ça s'est fait au détriment des hommes. Mais on est-tu capable de ramener un équilibre? Moi, je pense que oui. Puis des histoires, mais chapeau les gars, pour Catherine, amener des gars à enseigner aux primaires, ça serait important, moi, je Catherine, pense. Catherine, ta réaction d'un matin, là, mais ta réaction d'un matin résume ce que je disais en introduction. Quand les hommes sont désavantagés, c'est la faute des gars. C'est ça que tu nous dis, là. C'est pas la faute des gouvernements qui sont trop pro-femmes. C'est notre faute parce qu'on s'organise pas. Dès qu'on est minoritaire ou désavantagé, c'est toujours notre faute. Je viens de te dire que ça s'est fait au détriment des hommes. Ça peut que ce soit la faute du système aussi. Ben, je viens de te dire que ça s'est fait souvent au détriment des hommes. On peut-tu ramener l'équilibre? C'est ça que j'ai dit. Ouais, mais ça dépend des hommes. Je pense que, Sylvain, tu viens de résumer parfaitement mon point. C'est qu'on va toujours avoir tort. Si on est désavantagé, c'est de notre faute, c'est parce qu'on ne sait pas s'organiser. C'est jamais à cause que, premièrement, c'est bien beau crier, mais il faut avoir un micro pour crier. Puis les médias sont contrôlés par la rectitude politique qui est inspirée par le féminisme. On n'a pas le micro pour crier, fait que tu cries dans le désert. Merci, Michel. Bye. 6h15, c'est sûr que si vous vous positionnez toujours en victime, ça avancera pas non plus. Mais t'oserais-tu dire ça? Parce que des fois, il y a des gens qui sont vraiment victimes. Oui. Faut faire attention, Catherine. Là, tu sais, là, arrêtez de jouer à victime puis battez-vous. Si t'as devant toi, je prends un exemple un peu absurde, mais si t'as une femme qui a été battue, vas-tu oser dire arrête de jouer à victime? Ben non, là. Mais non. C'est une victime. Oui. Bon, ben, si à un moment donné, elle a 10 fois plus d'argent que les groupes d'aide aux hommes, c'est là, il y a une sorte d'injustice, là. Ouais, mais et en même temps, le gars qui crie contre ça, il joue pas à la victime. Il fait juste mettre le doigt sur le bobo, là. Il dénonce un système. Mais là, si on se fait tout le temps dire, ah, oh, vous jouez à victime, vous vous plaignez, c'est parce que vous vous organisez pas, c'est de votre faute. C'est pas très encourageant. Pourquoi les femmes seraient pas capables de se regarder dans le miroir et de dire, vous avez raison, on en a trop. On a pris le contrôle, puis vous avez pas une scène, et on va devoir être plus équitable dans la répartition des fonds. Pourquoi vous pourriez pas juste nous donner raison? Mais qu'est-ce que tu penses que je viens de dire? C'est ce que j'ai dit. Ben, tu j'ai raison, dit que mais en même temps, c'est notre faute. On s'organise non, pas, on joue aux victimes. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné... C'est pas trop avoir okay, raison, mais ça. OK, as-tu une autre solution? Qu'est-ce que tu proposes d'autre? On bouge pas? On fait plus rien? De toute façon, c'est fait dire non déjà. On arrête? Moi, je pense vous arrêtez que de vous battre? Vous rendez les armes? Non, je pense qu'il faut se battre pareil, mais ça donne rien de trop insister. Ça va prendre un changement en haut, un changement de mentalité. Et ouais, ça va être long. Ça va être très, très long. Mais le changement de mentalité, moi, je pense qu'on y arrive tranquillement, notamment, comme je t'ai dit, avec on le voit, la situation des garçons, puis il y a plein de femmes de mon âge qui ont mis au monde des garçons puis qui veulent qu'il y ait un très bel avenir en avant. Moi, je suis convaincu que la majorité des femmes qui nous écoutent sont d'accord avec nous. Oui. Et d'ailleurs, c'est ça un peu le paradoxe quand je parle de ça. Les femmes, là, ils voient là, les problèmes de suicide chez les chez les hommes, le décrochage scolaire chez les garçons. Oui. Penses-tu que les femmes... La violence conjugale, c'est ben chez oui, les hommes également. Jamais que je vais dire que les femmes... Non, d'ailleurs, sont d'accord avec moi. Ben souvent, quand j'ai fait la journée internationale du gars, plein de femmes m'ont dit « Excellent, cancer de la prostate, pensez-vous que ça touche pas les femmes? Pensez-y deux c'est secondes. » C'est clair. On s'entend-tu, là? Ouais. Bon, alors ils sont d'accord, celles qui nous écoutent à matin. Celles qui mènent au Québec, c'est tout le problème du Québec. C'est pas le peuple, c'est les cliques pis les gamiques. Mm-hmm. En haut, là, les féministes, là, qui sont dans les groupes, qui récoltent 10 fois les budgets accordés aux hommes. T'attends-tu à ce qu'ils nous appellent le matin pour nous dire qu'ils avaient raison? On va appeler nos amis des médias. Pour le gouvernement, c'est un lobby tout puissant qui contrôle tout. Alors, pensez aux petits mots que je ne prononce pas. Là. C'est assez. 6h17. Avis à tous les automobilistes.